Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. Bon, on va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional en parlant des qualifications de patinage de vitesse qui a eu lieu en fin de semaine au Centre Georges Vézina. Un beau succès pour les organisateurs. Les organisateurs étaient très, très contents de l'activité et des gens qui se sont rendus à Vézina pour cette compétition. Et en plus, une belle surprise venant d'une athlète d'ici, de Tolbeau-Mississigny, Maude Tremblay. Ça a été la surprise à la fin de semaine. Elle a terminé au 9e rang et elle a obtenu sa place pour les essais nationaux qui auront lieu en janvier prochain. Donc Maude a fini au 9e rang. Catherine Maillot, qu'on connaît bien également, a terminé au 15e rang. Karina Montmigny, 23e, et Flavie Larocheroy a terminé au 27e rang. Donc, ces athlètes qui vont rejoindre les Marianne Saint-Gelais, Cassandra Bradette, Marie-Ève Drolin en mi-janvier pour les essais nationaux. Beaucoup d'hockey encore en fin de semaine. D'abord, les Saguenayens de Scoutimi ont connu un week-end parfait sur la route. Les Saguenayens qui ont gagné 5-4 contre les Voltigeurs de Drummondville hier. Il y a Dimitri Zoukenov qui a dirigé l'attaque des vainqueurs avec une production d'un but de passe. De même que Jake Smith qui a aussi un but de passe. Julien Labbé-Carignan, un but, et Vincent Lapalme-Tremblay a aussi marqué. Et à son retour au jeu, après une longue absence, Olio Bilia a fait face à 20 lancés. Et samedi, les Saguenayens avaient gagné 5-4 contre le Phoenix de Sherbrooke. Dimitri Zoukenov, 2 buts, 1 passe. Mathieu Degagné, 1 but, 1 passe. Niles Morgan, Ryan Verbeek ont aussi marqué 2 passes pour Nicolas Roy. Ailleurs, dans la LHJMQ, les Cataractes de Shawinigan ont perdu 6-2 contre les Screaming Eagles du Cap-Breton. Ça se déroulait samedi, 1 passe pour Samuel Girard. Et vendredi, dans les autres revers dans les Maritimes, pour les Cataractes, cette fois 5-4 contre les Islanders de Charlottetown. 2 autres passes pour le défenseur natif de Robertval. Fiche de 500 pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Les Huskies qui ont défait l'Océanic de Rimouski 3-1 et ils ont perdu 5-4 contre les Tigres de Victoriaville. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont gagné 5-3 contre les Prédateurs de Laval, ça se passait hier. Et vendredi, les Marquis ont gagné 3-2 sur le coup de Saint-Georges-de-Beauce. Ligue junior régionale maintenant, les Éperviers de Normandin ont gagné 3-1 contre les Aiglons d'Alma. Dans le match, Guillaume Bérubé a marqué un but et une passe. Il y a également Jérémy Cloutier qui a marqué un but et une passe. Il y a Olivier Lafrenière qui a complété le pointage. Et du côté des Sables, l'équipe a continué à perdre. Ils ont perdu 5-2 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Frédéric Simard et Thomas Tremblay ont marqué les buts. Ligue Midget Régionale, le Marcos Pop de Saint-Félicien a écrasé le National de la B 8-2. Charles Tremblay a dirigé l'attaque de l'équipe avec 3 buts, 2 passes. Christophe Bélanger, 2 buts, 1 passe. Il y a Alexis Néron qui a 1 but, 1 passe, de même que Simon Larouche. Vincent Gagnon a aussi marqué. Il y a Charles-Éric Rochefort qui a brillé également dans le match avec une récolte de 4 passes. Et de même qu'Antoine Niquette qui a réussi 2 passes. Fiche de 500 pour les ambassadeurs de Chicoutimi. Les ambassadeurs qui ont gagné 2-1 sur les Orioles de Jonquière. Simon Letourneau et Louis-David Gagnon ont compté les buts. Et ils ont perdu 5-2 contre les Orioles de Jonquière. Julien Paquette et Benjamin Lapointe ont marqué les buts. 2 défaites du côté Bantam pour les Rapides de Tolbeau-Mississigny. Les Rapides ont perdu 3-1 contre les Marquis de Jonquière. Jérémy Pelchat a été le seul compteur dans la défaite. Et hier, défaite de 8-3 contre les Marquis. Et défaite également des Hurricanes de Mascouche 4-1 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Et 2 autres défaites des ambassadeurs de Chicoutimi. Cette fois, ils ont gagné 6-2 contre les Patriotes de Saint-Bruno. Et ils ont également gagné 7-0 contre ces mêmes Patriotes. Le sport local et régional, à dans radiosport.com. On s'en occupe.